Quelque part, le numérique a aussi, ses vertus. Et là, je reprends la question du numérique, mais sous cet angle-ci. Et on voit bien qu'il y a des réflexions et des décisions qui ont été prises pour, fluidifier la circulation de l'information. On parle souvent de ce cas-là, mais en existe-t-il d'autres comparables aussi importants dans ses effets que celui de la Belgique, où était mise en place maintenant depuis quelques années, bien 20 ans, la Banque Carrefour de Sécurité Sociale, qui fait que tous les organismes sociaux sont obligés par la loi de déposer toutes les informations concernant une personne, un ménage, sur une plateforme de données. Celle-ci est totalement sécurisée, mais ce qui fait que l'information étant là, on ne la redemande pas 20 000 fois aux personnes. Donc déjà, ça lasse beaucoup moins. Ça représente une économie, et en même temps, chacun vient déposer l'information nouvelle et a la capacité d'aller chercher sur cette base l'information qui l'intéresse spécifiquement. Là, il y a eu une économie de moyens et une facilitation trouvée dans les rapports aux usagers qui est tout à fait évidente. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. En plus, ce qui pourrait être l'élément principal d'une politique générale de l'accès au droit qui serait extrêmement vigilante sur la question de la fraude, mais qui serait vigilante sur la question du non-recours qui, globalement, d'un point de vue financier, est supérieur. Donc ça, je pense qu'on va dans ce sens-là, mais derrière, allons-y, expérimentons, des choses sont possibles, il y a d'autres expérimentations qui se font aux Pays-Bas qui mériteraient d'être connues et travaillées en France.